Je sais qu'en chacun de nous, en effet, le monde existe. Je passe de rage incontrôlée à l'éveil de mon esprit, à l'hiver, ce qu'on estime incapable d'en suivre les routes. Mais y'a pas d'erreur, y'a seulement des pics, des tours. Qu'est-ce que ça m'effraie de m'égarer, mais ce que j'y trouvais plus important que ce que je cherchais. Check, c'est juste ma conviction. La grandeur de l'homme est dans le choix d'être plus fort que sa condition. Ce constat, moi, m'écrase les côtes. Si t'es pas maître de toi, tu seras constamment l'esclave des autres. Donc je dois me libérer du connu, sinon j'irai que dans ces endroits où d'autres se sont déjà rendus. Battus seront les chemins que j'éviterai pour m'accomplir, tu l'as compris, à chacun sa vitesse. Si je laisse dans mon sillage un tas de morceaux, c'est que je marche à ma rencontre et pas sur les traces d'un autre. J'éveille mon esprit et quitte ce rôle qui nous emprisonne. J'aspire à plus que ce à quoi on nous conditionne. Frérot, suive la horde et tirer elle. Je quitte le troupeau et suis mon propre itinéraire. J'éveille mon esprit et quitte ce rôle qui nous emprisonne. J'aspire à plus que ce à quoi on nous conditionne. Frérot, suive la horde et tirer elle. Je quitte le troupeau et suis mon propre itinéraire. J'ai toujours voulu rendre fier, ami et père, mère. Et lâcher sur ma route quelques idées pêle-mêle. Chacun sa voix et ses choix qui la façonnent. Droite ou pas, elle se trace seule. Mais je sais que la vie des frères m'aide. Serais-tu à ce point fataliste de songer que tous les chemins mèneraient à la ville éternelle? Intellectuellement libre, affranchi d'idéaux préconçus, comme ça que doit être la vie des terriennes et des terriens. Tu sais bien que la limite de ma pensée va plus loin que ce que les lois de la cité permettent. La contrition de mon esprit, frérot, est la condition de mon estime perso, avisé vers le ciel. Les mots, la langue, mon bagage en route vers les zones à risque, les zones actives et hertziennes. Dans cette course contre la montre et ta condition, ne laisse pas tes ambitions arriver dernière. J'éveille mon esprit et quitte ce rôle qui nous emprisonne. J'aspire à plus que ce à quoi on nous conditionne. Frérot, suive la horde et tirer elle. Je quitte le troupeau et suis mon propre itinéraire. J'éveille mon esprit et quitte ce rôle qui nous emprisonne. J'aspire à plus que ce à quoi on nous conditionne. Frérot, suive la horde et tirer elle. Je quitte le troupeau et suis mon propre itinéraire. Peut-être que toutes les routes y mènent, mais crois-moi, je m'en tape de rhum. Je trouverai en moi le changement que je veux voir dehors. Que je m'éloigne du corps ou que je change de planète. Ce qui m'empêche d'avancer, c'est ce que je pense ne pas être. Peut-être je pars en vrille de travers. Je glorifie le trajet bien enfoui qu'on qualifie de traverse. Multiples seront les croisements, je te précise. Aujourd'hui encore, j'ai croisé Nazca sur mon périple. Et si je ne tends pas vers la perfection, si je me dispense parfois d'écrire, je ne me dispense pas de la réflexion. Ce que j'ai besoin de croire, c'est que la vie t'offre autant de chemins de traverse que de chemins de croix. Et je ne me plains pas, je répète que ces lignes n'aspirent à rien hormis un éveil de l'esprit. Même si tu tombes, tu en guéris. Demande à des tirets, je viens de le croiser sur mon périple. J'éveille mon esprit et quitte ce rôle qui nous emprisonne. J'aspire à plus que ce à quoi on nous conditionne. Frérot, suive la horde et tirer elle. Je quitte le troupeau et suis mon propre itinéraire. J'éveille mon esprit et quitte ce rôle qui nous emprisonne. J'aspire à plus que ce à quoi on nous conditionne. Frérot, suive la horde et tirer elle. Je quitte le troupeau et suis mon propre itinéraire. Loin des règles qu'on pensait figées. Oui, j'élimine ces limites qu'on s'est fixées. Et je dois me perdre pour me trouver, donc je m'arrache. Je voyage, un esprit libéré pour seul bagage. Loin des règles qu'on pensait figées. Oui, j'élimine ces limites qu'on s'est fixées. Et je dois me perdre pour me trouver, donc je m'arrache. Je voyage, un esprit libéré pour seul bagage. Des tirets, Nazca. Nazca. Des tirets, Nazca. Nazca. Ok, chacun sa route. J'y croise des amis de longue date. La réussite n'est que le prix de l'audace. Qu'importe le but, on marchera décidé. Elle produce Nazca des tirets. Nazca, Nazca des tirets. Des tirets, Nazca des tirets. Des tirets, Nazca, Nazca.